Du 22 au 24 juin, participe au week-end des régates de Saint-Félicien. Les régates, c'est 75 hydroplanes et des équipes de partout en Amérique. C'est aussi la soirée de démonstration de voitures de performance. C'est des spectacles à tous les soirs. Venez aussi en famille et profitez de la zone familiale avec jeux gonflables, clowns et maquillage pour enfants. Joins-toi aux 5000 visiteurs annuels et achète tes billets en ligne au régatesdesaintfélicien.com. C'est la chronique NBA avec notre ami Pascal Jobin. Salut Pascal. Salut Danny. Ça va bien Pascal. Écoute, la série entre Golden State et les Cavaliers de Cleveland, c'est 3-0. Est-ce que ça va se terminer dans un balayage? Moi, je pense que Cleveland peut gagner ce soir. C'est drôle, hein? Premièrement, juste je pense que Cleveland sont comme conscients qu'ils vont pas gagner la série. Mm. Mais tu sais, Danny, le match numéro 1, ils avaient vraiment une chance de gagner. Ah oui, c'est là que ça a changé. Exactement. Match numéro 2, ils ont pas mal joué. Ils ont perdu Steph Curry 9-3 points dans ce match-là. Mm. Match numéro 3, menait par 6 à la demi. Je pense qu'ils ont monté à 13 points. C'est pas comme s'ils ont été surclassés pendant les trois matchs, OK? Ouais. Et on a joué une bonne défensive. Steph Curry, Klay Thompson. Écoute, si je te disais que Steph Curry finirait 1-10 de la 3 points, puis il gagnerait le match quand même, mais c'est pour ça qu'ils ont été chercher Kevin Durant qui a fini avec 43 points. Ouais. Donc, quand t'es capable juste de ralentir LeBron James, t'es sûr de gagner. LeBron James fait 51 points dans un match, tu perds le match. Là, ils ont trois joueurs capables de faire 30, 40, 50 points dans un match. Curry, Thompson et Kevin Durant. Puis on sait que Draymond Green, c'est probablement un des meilleurs défenseurs de la NBA. La commande est trop énorme. Je pense que du côté des Warriors, on veut finir ça ce soir. Mais c'est intéressant de voir. Mais tu sais quoi, Danny, ouais. Honnêtement, je pense que ça va finir ce soir. Ah oui, en 4 matchs demain. Ouais, je pense que oui. Est-ce que c'est le dernier match? Je pense que LeBron James. Ouais, c'est ça, je partais pas. Mon feeling, là, c'est que ça y tente plus. Puis je dis pas ça négativement. Je pense qu'il y a eu un match ordinaire, un troisième match. Il a quand même fini avec 33 points, 10 rebonds, 13 assists. Ouais. Mais je pense que LeBron James, mon feeling personnel, je pense qu'il est très fatigué physiquement. Ben, il a été taxé beaucoup, là. Mais je pense qu'il est encore plus fatigué mentalement, sachant que, regarde, à quoi ça sert. Ouais. Je pense qu'il va jouer, un bon match, mais je trouve qu'il manque un petit peu d'effort défensif. Ce qu'on a vu des fois contre Boston ou contre Indiana, même contre Toronto, un LeBron James un petit peu plus engagé défensivement, mais je le sens pas, on sent pas sa présence défensive comme on sait qu'il est capable de faire. Puis ça, je pense que c'est juste que ça est tendu. Ah, c'est clair. Puis écoute, est-ce que ça lui dit à quelque part qu'il était pas mal tout seul? Les Cavaliers seraient pas là si ça aurait pas été de LeBron. Il a connu toutes que des séries, là. tu penses-tu que c'est ça, en fait? T'es fatigué? Je pense que oui. 82 ouais. matchs. J'ai plus de gaz dans le réservoir. Tu sais, c'est sa 9e finale. Ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'il joue en moyenne presque 100... quelques matchs par année à l'encontre de bien des joueurs. Fait que si on prend juste les 9 dernières années qui s'est rendu en finale, ben c'est facilement 100, 102, 103, 104 matchs au lieu d'une saison de 82. Sur ça, tu sais, je prends juste James Harden, il a seulement joué, je pense, 72 games cette année. Tu sais, ça fait une différence. Peut-être que LeBron aurait dû se reposer pendant peut-être 5-6 matchs. Mais il y a un agenda différent. Il tenait à sa 15e saison, jouer les 82 matchs. Mais je pense que c'est fini, Danny, puis je pense que les Spurs, ils l'attendent avec les bras ouverts. Oh, tu veux dire que ça ira à San Antonio? Je pense que oui. Ah ouais, tu m'as toujours dit que LeBron irait à... Qu'est-ce qui ferait dire que LeBron va aller à San Antonio? Il veut être dans une organisation et des joueurs qui ne sont pas seulement de bons joueurs de basket, mais des joueurs intelligents. Okay. Pour moi, la franchise et l'organisation et les joueurs les plus intelligents en ce moment qui pourraient probablement accueillir LeBron James, okay, c'est San Antonio. Je pense que LeBron James, s'il veut gagner encore quelques championnats, il sait qu'il doit battre les Warriors. Je pense qu'il est aussi bien s'en aller. Je pense qu'il est tanné de se rendre en finale et de ne pas gagner. Je sais pas si. Ouais. C'est pour ça que moi, je pense pas qu'il va rester dans l'Est. OK? Je pense que San Antonio, avec Popovich, si Kawhi Leonard décide de rester, parce qu'on va savoir ça quand même assez rapidement, ça serait une bonne opportunité. Parce qu'on sait que Manu Ginobili, même Tony Parker, mais si on regarde les Spurs, avec l'équipe qu'ils ont, et t'ajoutes LeBron James, là, wow, ça serait toute une équipe, selon moi. Okay. Moi, j'ai San Antonio dans la tête. Mais les Lakers vont sûrement être dans le coup aussi, hein? Mais c'est drôle, c'est bizarre, LeBron partir de Cleveland. T'sais, c'est une deuxième fois. Qu'il parte une fois, c'est correct. Mais qu'il parte une deuxième fois, c'est... Danny, oui? Pense-y. Il a quitté Cleveland après 7 ans. Donc, son contrat est fini. Il a le droit de faire ça. Il a pas quitté Cleveland. Il aurait pu être échangé, là. Mon point dans ça, c'est que pour moi, c'est bien plus bizarre que tu quittes les Oklahoma City après que tu menais 3-1 contre les Warriors. Oklahoma City était capable de battre les Warriors, là. Ça aurait été un autre historique. Puis je pense que Kevin Durant s'est dit, si je bats les Warriors, je me retrouve en finale contre Cleveland, je vais perdre contre LeBron. Ça me prend des meilleurs joueurs que ça. C'est pour ça qu'il était avec les Warriors. Mais en ce moment, qu'est-ce que tu fais, là? LeBron James, c'est son option. Il devient un joueur autonome. Puis oublie pas que la taxe au Texas, il va récupérer 15%. C'est ça qui fait que Radulov est avec Dallas aujourd'hui, hein? Ouais, il va récupérer plus de sous. Fait que moi, c'est mon opinion qui va s'en aller à San Antonio. Okay. Mais ça, c'est mon opinion seulement. Okay. Pascal, les Raptors de Toronto, toujours pas l'entraîneur? Non, pas beaucoup de nouvelles. Il y a un Lituanien qui s'est ajouté. Tu crois-tu à ça, toi? Honnêtement, Danny, je n'ai pas... au niveau des entraîneurs? Oui, il y a un Lituanien, j'ai vu ça sur le site de TSN, qu'il y avait un Lituanien qui était maintenant rendu dans les candidats, qui n'a aucune expérience dans la NBA. Moi, je vois pas du tout. Oui, je pense que c'est un scout très reconnu en Europe, un ancien entraîneur. Mais regarde-moi, je pense que tout va se clarifier la semaine prochaine. Okay. On laisse les finales se finir, puis je pense qu'on veut avoir un entraîneur en place pour le repêchage. Donc c'est le 21 si je me trompe pas. Donc on parle à peu près là d'ici le 10 au 14, au moins une semaine avant le repêchage, on va avoir quelqu'un en place. Il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas d'entraîneur qui vont comme Détroit puis Toronto qui vont probablement se résigner à engager quelqu'un. Dwayne Casey, je pense qu'il fait la deuxième visite. Ouais, d'après moi, c'est lui qui va être. Et Jim Beilein, qui était comme le deuxième candidat, a décidé de retourner à l'Université de Michigan. Donc, d'après moi, Dwayne Casey va signer un contrat avec Détroit. OK. Pascal, un gros merci. On s'en reparle jeudi ou vendredi prochain pour l'actualité dans la NBA. Ça me fait plaisir, Danny. Notre ami Pascal Jean.